Quintus Auclair, République française, la Tréhissie. Je croyais, dit Candide, qu'il n'y avait plus de manichéens. Il y a moi, dit Martin. Signé Voltaire. Premièrement, Saint-Denis. Une visite à Saint-Denis par une brumeuse journée d'automne rentre dans le cercle oublié de ces promenades austères que faisaient jadis les rêveurs de l'école de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau est le seul entre les maîtres de la République du XVIIIe siècle qui se soit préoccupé sérieusement des grands mystères de l'âme humaine et qui ait manifesté un sentiment religieux positif, qu'il entendait à sa manière, mais qui tranchait fortement avec l'athéisme résolu de Lamétrie, de d'Holbach, d'Helvétius, de d'Alembert, comme avec le déisme mitigé de Boulanger, de Diderot et de Voltaire. « Écrasons l'infâme » était le mot commun de cette coalition philosophique, mais tous ne portèrent pas les mêmes rudes coups aux sentiments religieux, considérés d'une manière générale. On ne s'étonne pas de cette hésitation chez certains esprits, plus disposés que d'autres à l'exaltation et à la rêverie. Il y a certes quelque chose de plus effrayant dans l'histoire que la chute des empires, c'est la mort des religions. Volney lui-même éprouvait ce sentiment en visitant les ruines des édifices autrefois sacrés. Le croyant véritable peut échapper à cette impression, mais avec le scepticisme de notre époque, on frémit parfois de rencontrer tant de portes sombres ouvertes sur le néant. La dernière qui semble encore conduire à quelque chose, cette porte ogivale dont on restaure avec piété les nervures et les figurines frustes ou brisées, laisse entrevoir toujours sa nef gracieuse, éclairée par les rosaces magiques des vitraux. Les fidèles se pressent sur les dalles de marbre et le long des piliers blanchis, où vient se peindre le reflet colorié des saints et des anges. L'encens fume, les voix résonnent, l'hymne latine s'élance au bruit ronflant des instruments. Seulement prenons garde au souffle malsain qui sort des tombes féodales, où tant de rois sont entassés. Un siècle mécréant les a dérangés de l'éternel repos, que le nôtre leur a pieusement rendu. Qu'importe les tombes brisées et les ossements outragés de Saint-Denis, la haine leur rendait hommage. L'homme indifférent d'aujourd'hui les a replacés par amour de l'art et de la symétrie, comme il eût rangé les momies d'un musée égyptien. Mais est-il un culte qui, triomphant des efforts de l'impiété, n'est plutôt encore à redouter l'indifférence? Quel est le catholique qui ne supporterait la folle bacchanale de Newstead Abbey et les compagnons d'orgie de Noël Biron, parodiant le plein chant sur des vers de chansons à boire, affublés de robes monastiques et buvant le claret dans des crânes, plus volontiers que de voir l'antique abbaye devenir fabrique ou théâtre? Le ricanement de Biron appartient encore au sentiment religieux, comme à l'impiété matérialiste de Shelley. Mais qui donc aujourd'hui daignerait être impie? On n'y songe point. Encore un regard dans cette basilique fraîchement restaurée, dont l'aspect a provoqué ses réflexions. Sous les arceaux gothiques des bas-côtés, l'on ne peut se lasser d'admirer les monuments des Médicis. Anges et saints, ne frémissiez-vous pas dans les plis roides de vos robes et de vos dalmatiques en croyant croître et fleurir sous vos tutélaires ogives ces pompes d'arpaïens qu'on décore du nom de Renaissance? Quoi? Le cintre roman, la colonne de marbre aux acanthes de bronze, le bas-relief étalant ses nudités voluptueuses et son dessin correct, au pied de vos longues figures hiératiques, que l'ironie accueille désormais. Rien n'est donc plus vrai que ce que disait un moine prophète de l'époque. Je te vois entrer nu dans la demeure sainte et poser un pied triomphant sur l'autel, impudique Vénus. Ces trois vertus sont assurément les trois grâces, ces anges sont les deux amours, Eros et Antéros. Cette femme si belle, qui repose à demi nue sur un lit exhaussé, dont elle a jeté les voiles, n'est-ce pas Cythérée elle-même? Et ce jeune homme, qui près d'elle semble dormir, d'un sommeil plus profond, n'est-il pas la Denise des mystères de Syrie? Elle repose affaissée dans sa douleur. Sa taille se cambre avec cette volupté dont elle ne peut oublier l'attitude. Ses seins se dressent avec orgueil, sa figure sourit encore, et cependant près d'elle le chasseur meurtri dort d'un sommeil de marbre où ses membres se sont roidis. Écoutons la légende que répète à tous l'homme de l'église. Voici la tombe de Catherine de Médicis. Elle a voulu de son vivant se faire représenter endormie dans le même lit que son époux Henri II, mort d'un coup de lance de Montgomery. Quelle est noble et séduisante cette reine aux cheveux épars, belle comme Vénus et fidèle comme Artémise, et qu'elle eût bien fait de ne pas se réveiller de ce gracieux sommeil. Elle était encore si jeune, si aimante et si pure, mais elle frappait déjà la religion sans le vouloir, comme plus tard au jour de Saint-Barthélemy. Oui, l'art de la Renaissance avait porté un coup mortel à l'ancien dogme et à la sainte austérité de l'Église, avant que la Révolution française embalaya les débris. L'allégorie, succédant au mythe primitif, en a fait de même jadis des anciennes religions. Il finit toujours par se trouver un Lucien qui écrit les dialogues des dieux, et plus tard un Voltaire qui raille les dieux et Dieu lui-même. S'il était vrai, selon l'expression d'un philosophe moderne, que la religion chrétienne n'eût guère plus d'un siècle à vivre encore, ne faudrait-il pas s'attacher avec larmes et avec prières aux pieds sanglants de ce Christ détaché de l'arbre mystique, à la robe immaculée de cette Vierge Mère, expression suprême de l'alliance antique du ciel et de la terre, dernier baiser de l'Esprit divin qui pleure et qui s'envole. Il y a plus d'un demi-siècle déjà que cette situation fut faite aux hommes de haute intelligence et se trouva diversement résolue. Ceux de nos pères qui s'étaient dévoués avec sincérité et courage à l'émancipation de la pensée humaine se virent contraints peut-être à confondre la religion elle-même avec les institutions dont elle paraît les ruines. On mit la hache au tronc de l'arbre et le cœur pourri comme l'écorce vivace, comme les branchages touffus, refuge des oiseaux et des abeilles, comme la lambrinche obstinée, qui le couvrait de ses lianes, furent tranchés en même temps. Et le tout fut jeté aux ténèbres comme le figuier inutile. Mais l'objet détruit, il reste la place encore sacrée pour beaucoup d'hommes. C'est ce qu'avait compris jadis l'Église victorieuse quand elle bâtissait ses basiliques et ses chapelles sur l'emplacement même des temples abolis.